La radio sud-coréenne CBS annonce que le porte-parole du Parti démocrate au bureau à l'Assemblée nationale a tenu le 13 courant au Parlement une conférence de presse et s'est opposé à la disposition de Saad proposée par le ministère de la Défense.